La salle est en ébullition. Tout le public est maintenant prêt à recevoir les guests qui vont arriver. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Bienvenue dans ce podcast hors série consacré à la convention Buffy de 2024, organisée par Geek and Cheese, une convention riche en émotions et en surprises. On a pu rencontrer des guests super, donc des comédiens et des comédiennes de votre série préférée. Je vous emmène en immersion dans ce week-end très très chouette. Ouais, voilà, tout le monde arrive, c'est incroyable! Ils sont beaux, ils sont là, ils sont américains. Grosse ovation, le public s'est levé, tout le monde est debout pour acclamer les guests de ce week-end. Organiser ce type de convention, c'est un sacré job. Et ici, à Pourquoi Buffy, c'est génial, on a voulu en savoir plus sur les dessous, sur le making-of d'un tel événement. Et donc, on a envoyé notre reporter spécial Big M interviewer Jérôme et Jérém, le duo d'organisateurs de cette convention. Comment s'est passée l'organisation de cette première convention Buffy Geek and Cheese ? Ça a été compliqué ou tout a roulé ? Et ça a été quand même assez chaud parce qu'on était très limité dans le temps. Et c'était finalement la première qu'on organisait en si peu de temps. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a quand même réussi à réunir, je ne sais plus comment ils étaient, au final 8 guests. Ouais, on a quand même réussi à réunir 8 guests en 4 mois. C'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir... pour le coup, des agents qui ont été réactifs et des guests nombreux qui étaient intéressés pour nous rejoindre et qui, un peu comme les participants qui prenaient leur passe, au final, on avait quand même des guests et des agents qui nous faisaient confiance pour un premier événement aussi. Donc, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là de pouvoir rebondir, quoi. Alors justement, quels sont les comédiens et comédiennes que vous avez réussi à faire venir ? Le premier qu'on avait annoncé, c'est aussi celui qui a annulé, donc malheureusement, il n'était pas là. Mais la deuxième, c'était Charisma Carpenter qui joue Cordelia dans Buffy Angel. En troisième, je crois que c'est Tom Lenk qu'on a eu, qui joue Andrew. Quatrième, ça devait être Mercedes McNabb qui joue Harmony. Et alors après, dans l'ordre, je ne sais plus, mais je sais qu'il reste Mark Lutz de Angel, Adam Bush qui joue Warren, Dagny Kier qui joue Cathy, Paige Moss qui joue Veruca, et Yari Limon qui était la dernière, si j'ai oublié personne, qui joue Kennedy. Pour une première convention, on a eu quand même pas mal d'inédits et puis on a eu des belles têtes d'affiche. Ouais. Did we ever imagine that we would be here 20-something years later with so many beautiful fans coming to see us? No. There was no way of knowing that a little show called Buffy the Vampire Slayer on a little network called the WB with a dancing frog in Kane and a hat in Kane saying dubba dubba dubba WB would be... Charisma qui explique qu'elle n'osait pas, elle n'aurait jamais rêvé il y a plus de 20 ans être là aujourd'hui pour parler de cette série. I mean, thank you. Tom Lenk intervient à son tour, comédien qui interprétait Andrew. But I think because of you, the fan base, that's why we're here. It's because you're passionate about it, and it sort of keeps it alive in the hearts of people because you want to be here and celebrate the show. So thank you to all of you. Les séries télé, elles vont, elles viennent, mais en fait, c'est les fans qui font que ça dure et que ça continue de vivre grâce à vous, parce que vous êtes passionnés, donc c'est vraiment grâce à vous, merci beaucoup. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est gâté en France avec des conventions Buffy presque chaque année. Les fans sont toujours au rendez-vous, même pour une série qui a plus de 25 ans maintenant. Comment vous expliquez ça ? Vous sentez une attente des fans français à chaque nouvelle convention ? La demande y est, puisque ouais, c'est vrai que nous, quand on a repris le thème, c'est qu'il y avait quand même une demande qui avait été exprimée par quand même plusieurs personnes qui nous avaient notamment contacté par message pour nous demander si on voulait pas reprendre le thème. Donc on sait qu'il y a une demande qui existe. Après, la quantifier, non, on saurait pas. Le fait que autant d'années après ça fonctionne toujours, c'est le côté nostalgie, ça c'est certain. Parce qu'au final, c'est vrai que sur les conventions Buffy, moi pour en avoir fait beaucoup des conventions sur différents thèmes, même des Comic-Con, GRM c'est pareil. C'est vrai que les conventions Buffy, c'est un fandom plus âgé, sans être péjoratif. De toute façon, à l'âge que j'ai le droit. Mais... c'est un fandom plus âgé, donc qui, je pense, la nostalgie opère beaucoup, parce que ça rappelle des souvenirs d'ado, quand on regardait toute cette trilogie du samedi, à l'époque des dinosaures, il n'y a pas Internet. Mais il y a aussi une attente sur, justement, le côté inédit. Et c'est vrai que c'est pour ça que, comme disait Jérém, nous, on était quand même contents d'avoir... je ne sais plus combien ils étaient d'inédits France... Mais il devait presque être la moitié Je pense que c'était plus de la moitié. Vous avez fait très fort sur le côté inédit. Oui, j'ai jamais imaginé que 20 ans après, on va être ici à France avec des gens qui sont incroyables. Donc pour moi, c'est waouh, c'est j'ai jamais vu ça. Donc merci à vous, merci à vous. Il y avait donc l'interprète de Kennedy qui s'exprimait dans un magnifique français. I think when you create a TV show, the writers have a certain taste and sense of humor, and they hire people that share in a similar taste. Adam Bush, qui interprète Warren. So a lot of the actors in this world have never met, but we all get along really well because we meet and we instantly have a connection because we have a similar just kind of outlook on life and approach to it. So I'm always really grateful for these experiences because, like we were saying earlier, Charisma and I, we don't get to interact very much. I don't know if we would even meet if it wasn't for things like this that you create. And Charisma's proven to be such a leader and a great communicator. So I'm very grateful to all of you for allowing us to have these experiences. And to answer your question, I think it never ends. I think it's still happening right now. If you had memories watching the show with a relative, and then you run into the actor 10 years later, it's still alive. It's still alive because we believe it is, and we're here now celebrating it. So it never has to end. And as long as there's leaders like that and people like Jerome and Jeremy here bringing us all together, it will never die. Magnifique réponse de Van Bush. Je te dis que la série est toujours vivante parce que vous la faites vivre, les fans la font vivre. Well, that was the last question. Wow, that's too brutal. Ok, c'était la dernière question. On va les remercier et on va continuer la journée. Le public se lève pour remercier les guests. Ils ont été adorables. Alors, si jamais vous n'êtes jamais allé à ce genre de convention, je vous explique rapido comment ça fonctionne. Vous passez un week-end ou une journée, ça dépend de vos finances, en compagnie de comédiens et comédiennes qui sont venus exprès pour vous rencontrer. Vous pouvez faire des photos avec eux, des autographes, les rencontrer en private session, plein de choses incroyables. Et il y a également ce qu'on appelle les panels. Ça se passe dans une grande salle et le public peut leur poser toutes les questions qu'il veut. Et là notamment, c'est au tour d'Adam Bush et de Tom Link, qui sont donc les interprètes de Warren et Andrew. Et bien, c'est à eux de répondre aux questions du public. Hi, j'ai une question pour Adam. C'est de savoir comment il a ressenti son dernier épisode, la fin de son personnage. Et est-ce que c'était l'aboutissement pour lui de son personnage ou est-ce qu'il aurait voulu peut-être... aller jusqu'au bout ou faire encore plus de scènes? Good question. I personally would have loved to continue always, but Warren got what he deserved in the right way. And I love how I love Bord now. And just that it was done. However, you can see very clearly that it is not my body. I am not that muscular. I am not that buff. You can see when it goes back. But Warren got what he deserved, and I think it was very satisfying after all the death he caused for him to suffer. So it was very cold when we shot that, and I felt like Jesus tied to a tree. But it was, I'm hoping, very satisfying to see him get what he deserved. Évidemment, il a voulu continuer jusqu'au bout de la série, pourquoi pas, mais qu'en fait, il est persuadé que son personnage a vraiment eu ce qu'il méritait. Et que du coup, c'est très violent la manière dont il parle, mais en même temps, c'est un petit peu juste par rapport à tout ce qu'il a causé, toute la peine et tout ce genre de choses. Donc voilà, en fait, il dit que c'était une scène qu'il a tournée. Alors, on voit que ce n'est pas son corps, il ne s'est pas fait arracher la peau, évidemment, mais il en a des souvenirs très froids aussi. Adam, which actor do you miss the most? Et là, il se passe un truc assez rigolo, c'est que pendant une réponse, Adam Bush se trompe en fait. Il confond un démon et un sorcier. On lui fait remarquer qu'il se trompe. Et il remercie les fans de lui avoir fait remarquer cette erreur. Et il va nous raconter une anecdote qui explique en quoi, selon lui, les fans connaissent beaucoup mieux la série que lui-même qui a joué dedans. Et c'est une anecdote assez savoureuse. I did an episode of Buffy with that the robot, and that was just supposed to be one. And then I got a call that they wanted me to do more. So I was very excited, but that's all they said. I said, they're going to do more, here are the dates. I went grocery shopping at a supermarket, and I was online, and the person at the cash register said, oh, you were on Buffy. I said, yes, I was. And he said, and you're coming back. And you're going to be a trio with Andrew and Jonathan. I said, what are you talking about? What is Andrew and Jonathan? And he said, you'll see. So from the very beginning, you have always known more than us. It was a grocery person. No, it was, unless they were moonlighting, it was a grocery person. And they said, and you're going to be in a trio with these two people. I didn't know who they were, and to this day, I don't know how they knew, but the fans know more than we do. So feel free to correct us, and merci. En fait, au début, il a joué Warren la première fois, il a tourné un épisode, et on lui avait dit, dans la direction, vous reviendrez plus tard, et voilà. Mais il n'y avait pas encore trop d'informations. Et un jour, il fait ses courses, et il arrive à la caisse, et le gars lui dit, ah! Vous êtes dans Buffy ? Il dit oui, oui, j'étais dans Buffy. Non, non, vous allez revenir dans Buffy, vous serez un trio avec Jonathan et Andrew. Merci. Et il est là, mais qui sont Jonathan et Andrew ? Il dit oh, mais vous verrez. Et il dit en fait, vous les fans, c'est incroyable parce que vous savez beaucoup plus de choses que nous, depuis plus longtemps que nous. Et donc, n'hésitez pas à me corriger de manière bienveillante. C'est toujours bien. Un truc génial pendant cette convention, les guests sont mis à contribution pour faire le tirage au sort de la tombola. Ça, c'est très drôle. 701. Oui. 701. Oui. Et là, c'est Marc donc, qui se prête au jeu et tire les tickets gagnants. 897. Ce qui permet à Marc de tester ses capacités en français également. C'est le numéro 900. Ok. Everyone excited? Les guests ont été faciles à convaincre pour se prêter au jeu ? En fait, ça, c'est une idée de Jérôme. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a inclus automatiquement dans les plannings sans vraiment poser la question. Et finalement, c'est passé. Et voilà. On y allait un peu au culot, quoi. Les guests ont été choisis aléatoirement, du coup, pour le tirage au sort ? Ou c'était en fonction de leur planning, j'imagine ? Dagnet, on connaissait un petit peu le tempérament. Et Marc, après sa vidéo pour annoncer sa venue, on s'est dit que quand même, ça pourrait être très très fun de l'avoir sur cette activité-là. 0, 5, 5. Adam, c'est le 52, 5, 4, 0, 5, 5. Session. 079. C'est le 079. Et cette explosion de joie, c'est parce que c'est Enfant Cheval qui a remporté cette private session grâce à son ticket de Tombola. C'est magnifique. On a aussi vu un cours de premier secours illustré par des extraits de la série. Ce genre d'animation est étonnant et original à la fois. L'idée, c'est qu'il se passe toujours quelque chose sur scène pour que le public ne s'ennuie jamais. Ouais, bah ça, de toute façon, l'idée de base, c'est sûr que dans la salle des panels, on fait en sorte qu'il n'y ait jamais de temps mort, même si on avait un super duo de MC qui animait la salle. C'est vrai que, en fait, dans l'idée, on s'était dit qu'on ne voulait pas d'activité qui soit sans lien avec la série. Donc, on regarde des extraits de Buffy. Et derrière, il y a une monitrice de premier secours qui nous donne des conseils. C'est fascinant. Pour la petite histoire de cette animation, en fait, c'est une idée de ma sœur, donc Aurore, qui l'a animée, qui a réellement été sapeur-pompier pendant 12, 15 ans, je ne sais plus, elle ne m'en voudra pas pour le nombre d'années, mais en fait, c'est une idée qui est venue d'elle, elle nous l'a proposée, on a trouvé ça super original et c'était du jamais fait, donc de mélanger ça aux extraits de Buffy en se disant qu'il y avait un côté ludique et utile pour les gens, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Suite au prochain épisode, si j'ai un petit peu de temps, je reviendrai vous voir. Merci beaucoup. Je vous l'avais promis, il y a des surprises dans ce podcast hors série, puisque grâce à la convention, on a eu la chance de faire deux interviews durant le week-end. Une de Marc Lutz, qui joue dans Angel, une interview que vous pourrez retrouver sur la chaîne de Big M, et une de Tom Lenk, l'interprète de Andrew dans Buffy. C'est pour ça que je vous propose tout de suite d'écouter les meilleurs moments de cette interview. Hello Tom. Salut Tom et bienvenue dans Pourquoi Buffy c'est génial. Bonjour. Hello. Thank you for having me. Merci de me recevoir. Why do you think Pourquoi Buffy c'est génial selon toi? Because it was my first big job and it really. Eh bien parce que c'était mon premier gros travail. Ça m'a amené à Hollywood. You know, it's like you can trace everything. Et on peut tout relier dans une carrière depuis les premiers jours. Et si j'ai eu les jobs suivants, c'est à cause des précédents. Donc ce premier gros rôle m'a donné l'opportunité de faire par la suite le métier que j'aime le plus. Tom nous apprend quelque chose qu'on ignorait. C'est qu'il avait d'abord auditionné pour le rôle de Lorne dans Angel, rôle attribué, on le sait, au regretté Andy Hallett. Et il évoque ensuite une anecdote un peu plus connue chez les fans, c'est que le trio devait normalement être composé de Warren, Jonathan et Tucker. Mais le comédien interprétant Tucker en saison 3 n'était plus disponible. Le frère de Tucker a donc été inventé et c'est ainsi qu'est né Andrew. Andrew is an endearing character for us geeky viewers, but he does a lot of very bad things in season 6 with his two fellows. On demande aussi à Tom comment son personnage aussi doux et fragile peut commettre autant de mauvaises choses en saison 6. Est-ce à cause de l'admiration peut-être qu'Andrew a pour Warren? Et Tom nous livre encore une fois un scoop incroyable. My role was au moment du casting, mon rôle devait être celui du leader du trio. Okay. But I think I had sort of a take on the character that they weren't expecting. Mais j'ai emmené le personnage vers autre chose et ils ont aimé cette direction. Donc ils ont mis Warren dans cette position de leader. Kind of the leader of the group because he has a more authoritative energy. Okay. Oh, that's very oh, c'est super intéressant. You get all the inside scoop awesome. Here at awesome. M Productions for Why Buffy is Awesome. Et oui, tous les scoops sont ici chez Big M Productions et Pourquoi Buffy c'est génial. Andrew has Andrew se trouve sur le chemin de la rédemption en saison 7. Et un épisode très important pour sa rédemption est Storyteller, sous influence en VF, un épisode clé. Sûrement le meilleur épisode de la série. C'est un de mes préférés. No, it's probably your favorite. Non, c'est sûrement ton préféré. It is my favorite. It's my number. Ah oui, c'est mon préféré, mon numéro 1 de la série. Don't bring me here and tell me it's not your favorite, dude. Je suis pas ici pour que tu me dises que c'est pas ton préféré, mec. C'est toujours un grand plaisir et une source d'information de premier choix que d'avoir des comédiens en interview. Concrètement, comment ça se passe pour que les guests acceptent de se prêter à l'exercice de l'interview ? Est-ce que c'est en fonction de leur planning, de leur contrat ? Comment vous gérez ça ? Ça, c'est quelque chose qui est négocié en amont avec l'agent. Donc, on doit présenter les différentes presses qui sont présentes lors de l'événement. Et après, on négocie un certain temps pour des interviews. Et après, c'est libre aux guests d'accepter ou non. À partir du moment où on a l'accord, on peut inclure ça dans leur planning. Et c'est parti. Autre moment important de ce week-end, les séances photos. C'est un moment rigolo, de détente, durant lequel les guests se permettent de faire un peu les foufous en faisant des poses improbables ou en dansant entre deux séances photos. Et vous allez voir que durant celle-là, il s'est passé un rapprochement entre notre Riley préféré et un des guests. Je vous en dis pas plus. C'est maintenant le moment, c'est le moment donc des photos de groupe et une ambiance incroyable, Riley. Hein. Écoutez, c'est le meilleur moment de la convention. On voit que tous les acteurs sont heureux d'être là. Ça fait plaisir, tout le monde danse, il y a une bonne ambiance. On big game nos films en ce moment même et on n'est pas du tout à l'aise. Nous sommes des podcasteurs audio, on ne voit pas nos visages généralement. On a des physiques de radio. C'est ça. Surtout toi. 5 you. Cheers. On comprend pas vraiment ce qui vient de se passer. Riley, qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai surveillé le verre d'Adam Bosch pendant qu'il faisait les photos de groupe et il m'a gentiment offert une gorgée de son whisky coca. Donc tu as la salive d'Adam Bosch sur tes lèvres. J'ai même plus que ça, mais on n'en parlera pas dans ce podcast. J'ai pas compris là, tu lui as demandé ou il t'a donné comme ça là ? Non, j'ai rien demandé. Ouais. Il m'a demandé comme ça. Son verre. Oui. Tout s'est passé en un seul regard, il n'y a même pas eu d'échange de mots, c'était magnifique. Ou alors, comme il n'a pas vu son verre, il a cru que j'avais mis un produit dans son verre. Tu sais, genre du GHB. Et du coup, pour vérifier, il me fait boire avant comme un goûteur. Si je ne bois pas, c'est que peut-être j'ai empoisonné son verre. Ça m'a l'air plus crédible. On arrive à la fin du week-end. Un week-end riche en émotions. Un week-end fou. Et là, ça va être maintenant tout de suite la cérémonie de clôture du week-end. Les guests vont tous arriver en même temps et on va pouvoir les applaudir et les voir une dernière fois. Toute l'émotion, tout ce que vous avez ressenti aujourd'hui sont juste derrière. Donc c'est vraiment le moment pour faire trembler les murs, pour rêver ceux qui font leur sieste en bas au premier étage. Attention ! J'aperçois Charisma. À chaque fois, il y a un coup de cœur inattendu. On trouve Amber Benson, Mark Lucas, Larry Bagby. Pour moi, personnellement, Andrew Ferschland ou plus récemment avec vous, Mark Lutz. Donc un guest qui se révèle être super attachant et gentil et qui partage beaucoup de choses. Pour cette convention, on a eu l'impression qu'autour de nous, il y a clairement eu un coup de cœur pour Adam Bosch, qui en plus joue un personnage carrément horrible dans la série. On a découvert un super gars qui a plu à tout le monde tout de suite. Est-ce que vous l'avez ressenti ça vous aussi ? Moi, le côté Adam Bosch qui a vraiment plu aux gens, je ne l'ai pas tant côtoyé que ça sur place. Et moi, je m'en suis rendu compte à la cérémonie de clôture au final. Parce que le discours qu'il a eu à la cérémonie de clôture était quand même fort, il était adressé aux fans. Et en fait, on sentait vraiment que l'acteur avait comment dire, il avait été plus loin que son personnage. Il avait quand même, je pense, pris le temps d'analyser aussi la série et l'impact que ça pouvait avoir sur les gens. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'il a vraiment plu, c'est que les fans devaient se retrouver un peu, entre guillemets, en lui quand il en parlait, quoi. Thank you so much for welcoming us. We are so grateful. Et je pense que c'est ce qui a fait que ça a plu, c'est ce côté un peu acteur, mais fan en même temps de la série, quoi. Your questions, your thoughts, your state of mind is so intelligent and so deep and so emotional and we feel so connected and we're so grateful for all of the smart, deep questions you asked. And I really feel, in some way, we got a little closer to solving these problems, to these questions that Buffy arises. And we'll forever love you and remember this time together. Thank you. Grâce à ces interactions, on est un peu plus proche de résoudre les soucis et les thématiques qui ont été soulevées pendant que Buffy se déroulait, et notamment dans la série. Donc merci beaucoup pour ça, merci beaucoup. En fait, je crois que le moment où on a vraiment pris conscience de ce qui s'était passé, c'était à la fin. À la fin sur scène, au moment des remerciements, où là, on a vu l'engouement des gens, la satisfaction des gens aussi. Et c'est maintenant l'heure du selfie. Le selfie général où tout le public fait une photo avec les guests. Voilà, c'est la folie dans la salle, c'est la folie. Et je crois que c'est ce qui nous a aussi motivé à lancer la 2, parce que ça c'est quelque chose qu'on avait anticipé mais dont on n'avait pas encore confirmé. On ne savait pas encore si on allait vraiment la lancer ou pas, et c'est vrai que les participants nous ont semblé tellement contents, et même les guests en fait, et du coup... Ah oui, et on a une annonce incroyable, une annonce en exclusivité, les dates d'une convention Geek & Cheese Buffy Angel l'année prochaine en 2025, incroyable. Ça s'affiche sur l'écran. Et ça c'est pour moi, c'est mes meilleurs, enfin pour ma part, c'est mes meilleurs souvenirs. Mon ressenti personnel, c'est que c'était un franc succès, hein, j'arrête pas de le dire. Et on a déjà hâte de se retrouver en mars 2025 pour la convention Whispers from the Hellmouth 2. Pour rappel, les 15 et 16 mars 2025 à Paris, lieu plus précis à annoncer. Et messieurs, on a déjà fini, on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup. Et on se donne rendez-vous en mars 2025. Et merci à toi. Ouais, merci.